قال رحمة الله عليه ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به من زائره. نعم قال في الحاشية في الأصل من زاره ليس الصواب أما زائره هنا سيبا مناسب avec la jumla. قال أو كطيف تمتع به من زاره في المنام على لذة هي أعظم اللذات. تأمل هذا الكلام. ابن القيم رحمة الله عليه يقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة. في الحقيقة ابن القيم son كلام هنا il est قوي il est جميل. أين العقل؟ Elle est où la raison de celui qui fait passer لذة أي un plaisir ربما c'est quelques minutes quelques heures ثم عياذا بالله à cause de ce plaisir à cause de cette chahoua à cause de cette passion ربما il s'égare ربما il est châtié un châtiment douloureux. العقل الحقيقة si il réfléchit l'un si tu lui dis مثلا واحد qui veut faire une معصية si on lui dit si tu fais ce péché tu vas aller en prison 10 ans, 15 ans, 20 ans est-ce qu'il va le faire? Abadan مثلاً, profiter une heure dans un haram ثم risquer 5 ans, 10 ans de prison là il va te laisser il va dire là ça ne vaut pas le coup. Si tu lui dis si tu fais cette chose tu es enfermé dans une pièce. C'est encore plus grave que la prison. Tu es enfermé dans une pièce et dans cette pièce, on va allumer le feu. Si tu fais cette chose, c'est sûr. Si tu l'as fait, tu vas dans cette pièce et cette pièce, tu seras enfermé. Iyadam billah. Et cette pièce, elle sera remplie de feu. Est-ce qu'il va faire cette chose? Abadan. Mais la prison, quelques années, l'insan, il sort. Et Rabbama, s'il se fait châtier, fi ad-dunya, la douleur, elle s'arrête. Lakin fil akhirah c'est incomparable. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi te montre que celui qui malgré cela il continue à faire des péchés, fa fil haqiqah il a un problème dans son aql et il a un problème dans son din. Lakin cet exemple il est tayyib limadha, on peut se poser la question mais pourquoi on lit nahnu le Coran wa lillahi alhamd. Kathir min al-muslimin lisent le Coran et on sait que si on fait telle chose on peut être châtié. Malgré cela hiyalan on a des faiblesses et on fait. Pourquoi? On n'a pas vu le nar. Tout ce qu'on a l'an, c'est des informations. Enfin, celui qui est qawif l'iman, il a une foi forte. Et il est sûr, quand il lit le Coran, que ça va se passer, ça va l'écarter. Lakin, ahyanan, nahnu li, lakin, on fait quand même. Pourquoi l'an, on a une faiblesse fil iman? C'est pour ça que darajatul ihsan, c'est le plus haut degré. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué en disant ta'abud Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Adorer Allah c'est comme si nous voyons. Si on le voit pas Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit. Et darajatul ihsan c'est le plus haut degré fil iman. Nous on doit faire des efforts fi hada. Et si on a une faiblesse et on a fait un haram et on a fait tauba et on a refait ce haram on désespère pas. Donc continue à hamshay c'est de faire des efforts pour arriver à ce niveau. Et ne pas tomber dans la choubha que Iblis il a propagé. Il fait un péché, il dit c'est pas grave, Allah il est ghafour, il est rahim. La chakanahu, iyadam billah, rubama, il va faire des péchés hatta yamoun. Lakin celui qui réfléchit, comme bayyana huna l'imam ibn al-Qayyim, et l'exemple qu'on a cité, fa incha'Allah ta'ala, ça va le freiner et il va réfléchir, et en faisant des efforts et avec dua, il sera à la khair. قال ابن القيم رحمة الله عليه فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة. تأمل الوصف اللذة c'est un plaisir c'est quelque chose مثلا on dit ce fruit il est ladide et il a un bon goût c'est ça اللذة quelque chose qui a du goût le plaisir هنا. فأين عقل celui qui fait passer une لذة عاجلة qui ne dure pas. قال منغصة منكدة قال إنما هي كأضغاث أحلام أي c'est comme un rêve في الحقيقة. Ceux qui font du haram مثلا il a fait ce dhanb aujourd'hui عياذا بالله il est tombé dans zina demain le plaisir عياذا بالله qu'il a eu في الحرام c'est fini ça reste comme un rêve. Qu'est-ce qui lui reste? Les regrets. Qu'est-ce qui lui reste? C'est écrit dans son kitab. Les anges, ils ont tout noté. Ça, ça reste. قال ابن القيم رحمه الله عليه كأضغاث أحلام. صحيح. الحرام ça dure pas. Comme les gens, ils ont fait du haram. Et l'un, ربما tu lui demandes, il se rappelle même plus. Ça dure pas. Ce qui dure, c'est quoi? C'est الجنة. فلهذا المؤمن il se prive في هذه الدنيا. لأن c'est des choses futiles, ça dure pas. Et بإذن الله عز وجل يوم القيامة il aura la récompense éternelle qui dure. Et il profitera. Ah, mais cette dunya, c'est pas pour profiter. Cette dunya, c'est une épreuve. Fahdhar. Cette dunya, c'est comme un examen. Est-ce que tu vas réussir, Amla? Enfin, ne te laisse pas aller, Akhi al-Karim. Qala, aw ka tayfin tamatta'a bihi man zarahu fil manam. Ahyanan, dans des rêves, tu vois que tu fais certaines choses. Tu manges telle chose, tu profites de telle chose. Tu te réveilles, fil haqiqa, y a rien. Al-haram, c'est la même chose. C'est d'aucune utilité. Qala, وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي خشيت بالآلام. Ibn al-Qayyim il fait toujours cette comparaison pour montrer est-ce que l'insan il a la raison ou la. Fait tomber dans le haram et profiter qalilan, ça ne dure pas. Thumma, c'est des regrets. Et délaisser, laddatun hiya min a'zam al-laddat. Délaisser un plaisir, c'est parmi les plus grands plaisirs. Mata' al-jannah, c'est un mata', tu profites. Dar al-qarar, c'est éternel. Tu as tout ce que tu veux. Enfin, délaisser tout ça pour profiter qalilan, et c'est que des regrets. Fa lihadha qala fa ba'aha. Et c'est comme s'il a fait un échange, iyadun billah. Celui qui n'obéit pas à Allah et à son messager, il ne se soumet pas, il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, wahda. Et il suit ses passions, wa ya'budu shaytan, il adore autre qu'Allah, et il est mon remisson fil haram, c'est comme, iyadun billah, s'il avait fait un échange. Et al-jannah, il n'en veut pas, et il a échangé. Ba'aha, il a vendu, il préfère à hadihi dunya, iyadun billah. قال فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة. فانية c'est quelque chose qui reste pas, qui disparaît. مضمحلة كذلك c'est la même معنى. التي حشيت بالآلام. تأمل هذا اللفظ حشيت أي elle est plein de regrets. حتى هذا الحرام لا تظن أن أهل الفسق والفجور أنهم يبخن دو بليزير والله سي كلكوز انستان ثم عياذا بالله بعضهم يسون ايبروفي بار دي مالادي ا كوز دو زنا بعضهم عياذا بالله يسون ايبروفي بار دي مناس بار دي ريغري بار دي انسولت لا تظن انهم يسون في راحه ابدا celui qui est في راحه c'est celui qui طبق son دين فدليسي الجنه ورضا الله اي tout ça pour عياذا بالله ce plaisir qui est minime. Et Iyadan Billah qui est accompagné avec tout ce char, qala wa innama hassalat bil alam wa aqibatuha al alam. Ce haram, il a réussi à l'avoir bil alam. Ba'dan nas yat'ab dans des choses pour arriver à faire quelque chose, et cette chose elle est haram. Fa alam, il a souffert pour hada wa aqibatuha alam. Kadhalik la récompense ou la fin ou l'issue de cette chose, ça sera l'alam, la souffrance. Fait dunya, qabla l'akhira. Parce que si on se pose la question, est-ce que l'aqil va délaisser al-jannah, wa ridallah, wa raha, éternellement, pour tout ce ta'ab, pour toutes ces difficultés? Là, wallah. Ça te montre, plus l'insan s'écarte de son din, plus il a un problème fait l'aql. Fait l'aqil, c'est celui qui fait des efforts, fait l'ilm, fait l'amal, wa yasbir. Et il fait tout pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là l'aqil. Amma autre, ils ont un naqs par rapport à leur éloignement. Qala, falaw qayasa al-aqil bayna laddatiha wa alamiha wa madarratiha wa manfa'atiha lastahya min nafsihi wa aqlihi kayfa yas'a fi talabiha. Et ça c'est une faïda azima, anna l'insan daiman il se remet en cause. Ou l'insan kadhalik, il ne regarde pas que les autres. Ça peut arriver qu'aux autres. Quand il lit ce genre de passage, il pense aux autres. Ka'annahu huwa, il est à l'abri. Là. Ça c'est min harb iblis sur l'insan pour qu'il t'écarte et tu ne te remets pas en cause. Là, فلهذا قال ابن القيم فلو قايس العاقل القياس c'est comparer. فالعاقل si tu te mets dans cette situation et tu te poses des questions à toi-même. أين أنت من هذا؟ Est-ce que tu suis sunnah? Est-ce que tu fais des efforts في طاعة الله عز وجل? Est-ce que tu délaisses le haram? ثم chacun connaît son nafs. Si tu as un manque, fais des efforts. ولا تقنط من رحمة الله. Ne désespère pas. Tant que tu es vivant, alhamdulillah, bab tawba, il est maftouh. Bien sûr, tant que الشمس لا تطلع من مغربها. Si tu es à la khair, فاحمد الله. Et continue et demande à Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima. Léanna, aujourd'hui peut-être qu'on est à la khair et demain Allahu a'lam bi halina jami'an. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. À ces deux cas, imma un naqs, al-tawba, al-istighfar, et on fait des efforts pour se reprendre. Imma al-insan il est à la khair, alhamdulillah, il fait des efforts fi al-thabat. Qala, lastahya min nafsihi wa aqlih. Sahih. Celui qui fait passer les plaisirs de dunya, ayyadan billah, al haram, tout ça, et il délaisse, et il oublie, ridallah, al-na'im, al-jannah, etc. Fahada, fil haqiqa, si il réfléchit, il aura honte de lui-même. Qala ibn al-qayyim, rahmatullah alayhi, lastahya min nafsihi wa aqli. Naam, li'anna, c'est pas min tasarrufat al-uqala. Al-uqala, ceux qui ont la raison, ils agissent pas hakada. Rappelez-vous des points qu'on a cités, les six points. Le bien, on doit le connaître, on doit connaître son chemin, on l'applique. Le mal, on doit connaître son chemin, on doit s'en écarter. Al-aqil, il réfléchit hakada. Qala, kayfa yas'a fi talabiha wa yudayya' zamanahu fi ishtighaliha biha fadlan 'an itharaha 'ala ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. تأمل هذا كيف الإنسان va délaisser ce qui lui est utile pour quelque chose qui lui est pas utile. بل ابن القيم il va plus loin, il dit كيف il va délaisser quelque chose d'éphémère et il va délaisser الجنة que النبي صلى الله عليه وسلم il a qualifié بهذا الحديث العظيم. Et il a cité في الحاشية أنه il est في الصحيحين فيها ما لا عين رأت. Tu peux pas t'imaginer. Il y a des choses fil jannah aucun œil, un d'être humain a vu. Qala wala udunun sami'at, ce que aucune oreille n'a entendu. Wala khatara 'ala qalbi bashar, hatta ce que on peut penser dans notre cœur, s'imaginer avec notre cœur, enfin on peut pas. Fal jannah manzilatuha ali 'azima 'inda Allah. On n'a pas le droit de délaisser hada al-khayr pour quelque chose qui nous fait du mal fil dunya. Et iyadan billah qui peut nous faire du mal fil akhira. Et l'insan kadhalik, il n'oublie pas, tout ça c'est enregistré. C'est maktoub inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-hasanat wa al-siyyat. Enfin, quand on a cité, quand on a lu la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, anna ses plaisirs, arubama c'est comme un rêve. Qal ka adra fi ahlam. La tansa anna, ça serait comme un rêve. La ba's. Lakin, n'oublie pas, Anna, tout est enregistré, et عند الله سبحانه وتعالى. Les anges, ils écrivent tout. قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. يوم القيامة, chacun, il verra son kitab. Et Allah سبحانه وتعالى, il qualifie حال المجرمين. المجرم, c'est celui qui n'a pas obéi Allah سبحانه وتعالى في الدنيا. C'est un مجرم, c'est ça le مجرم الحقيقي. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. أي ils vont être déçus, ils vont regretter. لماذا؟ لأن ce kitab tout est inscrit. Ces plaisirs qui prenaient, ces shahawat qui suivaient, ce haram qui ne délaissait pas, tout ça c'est écrit. فلهذا قال عز وجل ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. Malheur à nous, c'est quoi ce kitab? قال ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي chaque chose, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, toute chose elle est inscrite في هذا الكتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ف فلهذا يبون دير يا ويلتنا malheur à nous. أين المفر في هذا الحال؟ أين يذهب الإنسان؟ Ce kitab, il est en face de toi, c'est une hujja contre toi. بل الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أن les propres membres de l'insan تشهد عليه. Ses mains, ses jambes تشهد عليه. أنه il a fait كذا وكذا وكذا. فأين يذهب الإنسان؟ فالسلوي كي غفلجي هكذا؟ Pour l'instant qu'on est en vie, alhamdulillah, c'est une force tayyiba. Anna, on fait attention. Avant d'arriver à cette étape. Et Anna, on arrivera tous à cette étape. Kullu nafsin dha'iqatul maut. On sera tous interrogés. Waqifuhum innahum mas'ouloun. Tout le monde. Waqifuhum, arrêtez-les. Innahum mas'ouloun. Ils vont être interrogés. Wa fil hadith, ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh. Chacun de vous, Allah subhanahu wa ta'ala, lui parlera. Il sera interrogé. فالعاقل يغفلش الآن. قال ابن القيم رحمة الله عليه ويضيع زمانه في اشتغاله بها. أي perdre son temps في هذا. Et à la fin c'est des regrets. À la fin c'est du haram. À la fin c'est des mauvaises choses في الدنيا قبل الآخرة. قال فضلا عن إثارها على ما لا عين رأت إلى آخره.